Je vous ai rajouté une petite section à la fin, la relation entre les hormones et les changements métaboliques durant la grossesse. Ça, c'est une section que vous pouvez regarder par vous-même. C'est, vous avez l'hormone, en fait, c'est deux tableaux que vous avez rajoutés. C'est pour voir un peu quelle hormone qui est clé dans le développement de la création durant la grossesse, mais dans telle hormone, alors que pour les modifications du métabolisme, ça va être. Une dame endocrine, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un tissu qui va sécréter différentes hormones. Je veux dire, quand on a une sécrète plusieurs hormones, il y en a d'autres qui vont en sécréter seulement une. Donc, je vais marquer, c'est une dame qui va sécréter le produit dans le liquide interstitiel. Puis ensuite, une fois que la sécrétion s'est faite dans le liquide interstitiel, donc il y a du liquide entre les différentes cellules de cette hormone-là, ben, ça va passer par diffusion simple dans la circulation sanguine. Comme un peu le même principe qu'on parlait de l'oxygène et du CO2 qui diffuse passivement à travers les membranes à cause des gradients de concentration, mais c'est la même chose pour les glandes endocrines. Pour les hormones des glandes endocrines. Donc, dans les glandes endocrines, bon, ça se trouve dans le liquide interstitiel, alors qu'il y a un autre type d'hormone qui s'appelle les glandes exocrines. Mais le meilleur exemple d'un organe qui va se sécréter exocrinement, c'est l'utérus. Vous avez juste à penser à l'utérus et la muqueuse à l'intérieur. Bien, la muqueuse, la sécrétion du mucus dans la cavité, c'est une sécrétion exocrine. Donc, l'hormone va sortir du tissu et va se retrouver dans une cavité. Donc, ça, c'est une glande exocrine. Alors qu'une glande endocrine, dans le tissu, elle va passer à la place d'un petit capillaire sanguin qui vont vasculariser cet organe-là. Donc, dans les glandes qui sont seulement endocrines, on va voir aujourd'hui le développement de l'hypophyse, qui est, s'il y a un chef d'orchestre de la régulation de tous les métabolismes de l'homme, c'est vraiment l'hypophyse. Donc, on va voir la constitution de l'hypophyse, les différentes hormones, puis son interaction. Aujourd'hui, moi, le cours d'aujourd'hui, j'ai surtout concentré entre l'interaction l'hypophyse avec l'hypothalamus puis les gonades. Parce qu'il y a aussi l'hypophyse, l'hypothalamus puis la thyroïde, puis le système rénal. Mais on va se concentrer surtout sur les gonades. On va avoir la thyroïde, les glandes parathyroïdes qui sont à l'intérieur de la thyroïde. On a les glandes surrénales et la glande pinéale. Donc, ensuite, on a d'autres glandes. Partie du système nerveux central, le thymus, le pancréas, les gonades, le thorax, le testicule, le rein, qu'on a parlé qu'il y avait déjà une sécrétion de la rénine, la rénine est une hormone aussi, est sécrétée par le rein. Et le rein a d'autres fonctions que les fonctions endocrines. Ensuite, l'estomac, le foie, l'intestin, la peau, même par les glandes surrénales, qui est une sécrétion exocrine, puis aussi la sécrétion endocrine, et le placenta, donc on a parlé du placenta, qui est sécrétée d'hormones durant la gestation. Alors, c'est aussi partiellement un organe endocrine. Ici, on a vu la situation des différentes glandes, autant exclusivement endocrine que endocrine et exocrine. Donc, on va commencer par le haut, puis on va s'en aller vers le bas pour le développement embryonnaire. C'est ce qu'on va voir un peu plus en détail. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, bon, ça fait partie du tissu céphal, donc du système nerveux central, mais ça va avoir une action autant de la production de neurotransmetteurs que la production d'hormones endocriniennes. Donc, je me situe un peu entre la partie centrale antérieure, c'est le siège de l'hypothalamus, c'est le milieu à la base du cerveau. L'hypothalamus, bien, dans la sécrétion endocrinienne, il va y avoir deux types de cellules qui vont être impliquées. Il va y avoir les grandes cellules neuronales, qu'on appelle les cellules magnocellulaires, les petites cellules neuronales, qui s'appellent les parvocellulaires. On fait la distinction des deux parce que chaque type cellulaire, comme c'est Les hommes aussi, une circulation de gène RH ou non? Oui, une circulation de gène RH. Mais c'est plus constant ou? En fait, c'est pas cyclique comme chez la femme, ça va aller plus en fonction de l'âge chez les hommes. C'est juste chez la femme que ça va être vraiment cyclique. Et pour eux, c'est impliqué dans quel processus? Chez les hommes, il va y avoir une certaine régulation de l'interaction de la gène RH avec l'oxytocine. L'oxytocine chez les hommes, c'est impliqué beaucoup sur le. L'excitation sexuelle. Donc, tu sais, tout, moi, j'ai juste un terme dans le fait, c'est le mojo. C'est le fait qu'un homme va avoir plus de libido qu'un autre homme, c'est beaucoup associé avec l'oxytocine. Ça va être présent chez cet homme, la quantité d'oxytocine qui va être produite par le fond de l'hypothalamus aussi. On va en venir à l'oxytocine parce que. Corrélation. Mais la concentration des récepteurs est la même que la moyenne des hommes. même si on a une plus grande concentration d'oxytocine, il y aura un peu d'effet d'oxytocine. Mais non, chez la femme, l'oxytocine n'a pas le même effet. C'est pour ça que chez la femme, ça n'a pas rapport avec l'animal. Chez la femme, la c'est les androgènes. Chez la femme, ça parle de récepteurs oui. Pour toutes les hormones, il y a tout le temps. Quand on accouchement, c'est un oui, à l'accouchement, ça, on va en reparler. Après la pause, quand on aura fait une bonne partie des notes, on reparlera de l'oxytocine, son récepteur, les conditions dans l'accouchement. Thank you. sérotonine, ben, on l'appelle FISH aussi parce que c'est une hormone qui va inhiber la sécrétion de la prolactine. Donc, lorsque, durant la vie normale d'une femme, quand elle est cyclée, puis elle n'est pas enceinte en préparation, dans le fond, vers la lactation par la suite, la dopamine est produite en quantité adéquate pour inhiber la production de la prolactine. Il faut que la prolactine soit produite constamment chez la femme parce que la prolactine a un effet de suppression sur le développement folliculaire. Chez les femmes qui sont en hyperprolactinémie, il n'y a pas de cycle chez ces femmes. Il n'y a pas de production de follicules qui vont être ovulatoires. Donc, la présence de la dopamine est très importante. Alors que durant la phase de la grossesse, on va avoir une diminution de la dopamine, ce qui va inhiber le relâchement de la prolactine. La prolactine va pouvoir, en préparation à la lactation, être produite par la ménopause. On a la GHRH qui va stimuler la production de l'hormone de croissance, la hormone par la ménopause. La somatostatine qui, elle aussi, stimule la production d'hormones de croissance. Donc, l'hormone de croissance favorise la croissance du tissu. On va avoir une certaine dans la grossesse. Puis, la somatostatine aussi va inhiber le relâchement de la thyroïde stimulating factor, donc la TSH dans la grossesse. C'est ce que vous voyez dans ce tableau-là, dans les autres, mais c'est sûr que les hormones de l'hypothalamus vont passer par un médiateur dans l'hypophyse ou l'adénocortique. Puis ce médiateur-là va aller agir ailleurs dans le corps. C'est vraiment l'hypothalamus n'a pas un contrôle sur le corps. C'est tout le temps qu'il passe par la relation étroite entre l'hypothalamus et l'hypophyse est cruciale pour la régulation de l'homéostasie de tous les systèmes du corps. Alors, sur la GNRH, on stimule la production de la FSH par la dénucléophase et de la LH. On a la CRH qui est impliquée dans la réponse au stress. Puis la CRH, bien, vous allez sûrement en parler dans le déclenchement de l'accouchement. Il y a une implication, là, une grosse discussion là-dessus sur la production de la CRH. Si c'est la CRH de la mère ou la CRH du fœtus, qui dit que la gestation est terminée, c'est le temps de déclencher l'accouchement. Donc, la CRH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va entraîner le relâchement de la CTH par la dénupophyse. Puis ensuite, la dénupophyse va aller agir au niveau du surrénal pour favoriser le relâchement des glucoses corticoïdes. Donc, le cortisol, la réponse au stress, ça va être induite par le CRH. Bien, cette réponse-là est impliquée dans le déclenchement de l'accouchement. Ça veut-tu dire qu'on pourrait éventuellement. C'est plus juste faire comme un dosage de CRH, puis ça nous dirait, OK, oui, c'est vraiment une grossesse post-terme, fait qu'il faut déclencher, ou non, c'est pas encore là, donc on peut attendre un peu. Bien, en fait, c'est tellement pas assez clair, cette hypothèse-là, à savoir si c'est vraiment l'hormone, la CRH de la mère qui demande, si c'est la combinaison de la CRH fœtale et la CRH de la mère. Ou c'est la CRH fœtale qui, elle, a une homologie avec celle de la mère, mais qui n'est pas encore tout à fait pareille comme celle de la mère, qui serait plus efficace pour déclencher le timing. Donc, ça, c'est pas encore entendu là-dessus. Pour l'instant, ça ne pourrait pas être un outil. À long terme, si on était capable, mettons, de détecter la CRH fœtale, qui serait, mettons, l'horloge biologique du fœtus, bien, ça pourrait être comme la fœtale. Est un marqueur, mais la CRH pourrait être un marqueur aussi là, du développement fœtal. Ça serait super. Mais ça pourrait être invasif, par exemple. Si c'est une fœtale, il faudrait que ça soit invasif pour la détecter. C'est la problématique. Donc, l'oxytocine, aussi produite par le hypothalamus, est impliquée chez la femme dans la lactation, dans le cas de l'éjection. Et la vasopressine, donc l'hormone antidiurétique, RDH, qui augmente la perméabilité de l'eau dans les reins, dans les néphrons. Donc, au niveau de l'absorption, au niveau rénal, dans les néphrons, on a parlé qu'il y a de l'absorption. Après ça, il y a un retour qui va se faire dans les canaux. S'il y a trop d'absorption qui s'est faite, il peut y avoir de la réabsorption un peu plus tard. et la vasopressine au niveau du rein avant d'induire que les tuyaux collecteurs vont collecter moins d'eau. L'eau va rester principalement dans les vaisseaux sanguins. C'est antidiurétique, donc ça empêche l'élimination de l'eau au niveau des reins. Ça va aussi vasopressine, mais ça va presser, ça va faire que les artères vont se contracter. Donc, ils sont contractés pour augmenter la pression sanguine ou aussi avoir un retour au niveau de la filtration glomérulaire pour que les reins se puissent en faire moins vite. Si on contracte les artères, c'est comme si tout était plus concentré avec les plans des artères, mais le corps a tendance à vouloir diluer pour revenir à la consommation de la vie. Donc, suite à l'hypothalamus, l'hypothalamus toujours en association avec l'hypophyse. L'hypophyse se sépare en deux lobes qui sont très différents, autant au niveau de leur composition en cellules que de leur capacité de sécrétion et de leur communication avec l'hypothalamus. C'est marqué l'hypophyse, ça origine au niveau embryonnaire de deux tissus différents. L'adénohypophyse, qui est vraiment la glande endocrine, elle va détruire de l'endoderme. Donc, au niveau des poches pharyngiennes, c'est le plafond de la poche pharyngienne qui va faire une petite évagination. Cette poche-là qui sort, ça va former l'adénohypophyse. Donc, ici, on voit, vous avez l'adénohypophyse qui provient ici du plafond de la voûte glabre. Puis on a la neurohypophyse qui, elle, provient du tube, du système nerveux central ici qui est en train de se développer. Donc, la portion qu'on voit ici, c'est le soleil, le bout ici du tube. Donc, la neurohypophyse qui, elle, provient du neuroectoderme, pardon, donc la plaque neurale qui s'est incurvée, qui a formé le tube neural. La neurohypophyse qui provient de là. Puis ces deux structures-là vont s'élaginer une vers l'autre, vont finir par se rejoindre et s'associer. Mais chacun va garder sa structure, sa composition et sa structure propre. Donc la neurohypophyse, c'est vraiment du tissu nerveux, alors que l'adénohypophyse, c'est une glande. C'est vraiment là, c'est un organe endocrinien qui est uniquement une glande. Donc, il n'y a pas de tissu nerveux dans l'adénohypophyse. Donc, toutes les deux structures ont une composition différente, une origine différente. Leur capacité de communication avec l'hypothalamus va être différente aussi. Et la neurohypophyse, qui provient d'un tissu nerveux, va communiquer avec l'hypothalamus par des connexions nerveuses. Alors que l'adénohypophyse, qui elle, est du tissu glandulaire, qui est vraiment un tissu endocrinien pur, mais elle va seulement par des transactions sanguines. Donc, ça va passer à travers des capillaires, la communication entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, ici, c'était la schématisation de vers la troisième semaine, les petits bourgeons à la fois de la neurohypophyse et de la neurohypophyse qui se développent environ en même temps. Les bourgeons vont s'accoler, vont se rejoindre, ça va donner la structure définitive de l'hypophyse. Donc, vous avez l'hypothalamus qui est en haut, vous voyez le petit V, c'est en fond, et la structure de l'hypothalamus. Vous avez l'infantibulum qui fait partie de la neurohypophyse, qui est la. Vous voyez, c'est toujours un continu du tissu nerveux. Donc, il n'y a pas de section, de sectionnement. On ne peut pas dire dans le tissu, mais on voit la coupure entre l'hypothalamus et la neurohypophyse. Vous voyez, c'est comme un prolongement, la neurohypophyse de l'hypothalamus. Par la frontilum, puis vous avez l'adénohypophyse qui est à l'arrière ici, puis qui va se prolonger jusqu'à la paroi arrière de la frontilum. Est-ce qu'ils ont une communication entre eux ou en fait, ils pourraient être séparés puis ça change la vie? Oui, ils pourraient être séparés puis ça change la vie. C'est comme deux choses complètement différentes. On leur donne un nom parce qu'on collait ensemble. Ouais, il parle de l'adénohypophyse et l'hypothalamus. Oui, l'adénohypophyse et la neurohypophyse. C'est ça, les deux sections de l'hypophyse qui font partie de l'hypophyse sont associées, mais entre elles, il n'y a pas de communication. La communication se fait toujours par l'hypothalamus entre les deux ou par les organes où ils vont avoir leur action. Juste pour me démêler, l'infantibulum, il me semble qu'on a déjà entendu ça quelque part. Il y en a d'autres ailleurs? c'est juste là? Non, je pense que c'est vraiment c'est juste là. Non, c'est pas dans la trompe. Non, c'est pas dans la trompe. Non, la trompe. La trompe, oh, le là. Papillon. Oui, ouais, c'est ça, c'est le papillon. Le papillon, oui, aussi. Ok. Tabarouette. Présence, là, va avoir ses points. Hein? Oui. Alors, l'adéno-hypophyse est quand même connectée directement à l'hypothalamus aussi. Elle n'est pas connectée. En fait, l'adéno-hypophyse, c'est comme si tu as la. On a l'hypothalamus comme ça. On a l'hypothalamus avec la neurohypophyse. Puis. L'adéno-hypophyse est vraiment comme accolée ici. Puis, il n'y a pas ici, là, on pourrait passer une lame tranchée entre les deux. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Puis, entre l'adéno-hypophyse et l'hypothalamus, il n'y a pas de connexion non plus. La seule façon dont ils vont communiquer, c'est le système porte, c'est des vaisseaux qui ont de la sanguine qui vont passer. Fait qu'il y a, ici, il y a plein de ramifications de la sanguine. Donc, l'hypothalamus va sécréter, dans la GnRH, va rentrer dans ces capillaires-là. Les capillaires, il va y avoir peut-être deux vaisseaux sanguins qui vont descendre. Puis là, ici, il va y avoir encore une ramification de plein de petits capillaires. Là, la GnRH va sortir, puis va agir ici. Puis, ça va engendrer qu'en agissant dans les cellules gonadotropes, dans l'adénohypophyse, l'adénohypophyse va sécréter la FSH. Donc, c'est seulement par communication par les capillaires sanguins qu'on va avoir contact entre l'hypothalamus et l'adéno-hypophyse. Alors que l'adéno-hypophyse, elle, ben, on a des cellules nerveuses qui commencent ici, puis leurs axones vont finir ici. Donc, les granules, si on parle de l'oxytocine, qui va être produite ici dans l'hypothalamus, l'oxytocine va être va être empaquetés dans des petits granules. Ces granules-là vont descendre le long des axones. Ils vont venir se faire un stock ici d'oxytocine. Lorsqu'il va y avoir un influx nerveux ou système nerveux central, ça va engendrer le relâchement de l'oxytocine. Mais elle n'est pas produite ici. C'est important pour moi que l'oxytocine. L'hypothalamus ne peut pas la stopper. Mais l'oxytocine, ça marche aussi par B, comme la GnRH. Donc, l'oxytocine, pour qu'elle soit relâchée en B, il faut qu'elle soit stoppée en grande quantité et qu'elle soit stoppée dans la neurohypophyse. C'est ce que ça veut pour la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Ici, je vais vous dire, faites un peu le même dessin qu'ici. L'adéno-hypophyse et la neurohypophyse sont séparées l'une de l'autre. Puis ils ont aussi des origines différentes et des fonctions différentes et des modes de communication différents. C'est une glande, mais en fait, elle est comme dans deux parties complètement différentes. Est-ce que la neurohypophyse est quand même attachée à la neurohypophyse ou à l'hypothalamus? Elle n'est pas attachée à l'hypothalamus, elle est attachée juste à la neurohypophyse, jusqu'à l'infantigram, dans le fond, jusqu'à ici. Tout ça ici, jusqu'ici, c'est l'hypophyse, puis la l'hypophyse, elle va être attachée, dans le fond, juste ici, là, jusqu'à l'extrémité de la tendinite. Au niveau de la structure, au niveau de la structure, l'adéno-hypophyse va se séparer en deux parties, deux parts. Donc, le par tubéralis et le par distalis. Par tubéralis, qui est dans le fond la jonction ici, là, le petit, qui est juste en arrière de la pédiculum, c'est dans le fond, il y a vraiment l'ancrage avec la neurohypophyse. Puis le par distalis, donc le par qui est distant de l'hypothalamus. Cette partie-là ici. Alors que la neurohypophyse, elle aussi, il y a deux fonctions. L'infantigum, qui est la connexion directe avec l'hypothalamus. Et puis, on a le lobe nerveux, qui est ici, qui est Au niveau de l'hypophyse, puis au niveau de l'hypothalamus. ici, c'est la figure, dans le fond, pour s'inverser par rapport à ce que moi je vous ai fait ici. La chemin est meilleure parce que la neuroépophyse, on dit que c'est le lobe antérieur, donc le plus vers nous. Puis la neuroépophyse, c'est le lobe postérieur, donc à l'arrière. Donc, vous avez l'hypothalamus ici, vous avez le système POP, où ce qui est sécrété dans l'hypothalamus qui doit aller se diriger vers l'adénohypophyse pour avoir son effet pas passé dans ce système POP. Donc, l'exemple, la GnRH qui est relâchée ici entre dans la circulation sanguine, puis par l'acheminement des capillaires sanguins, va être relâchée dans les cellules ici, donc soit les cellules latotrophes ou gonadotrophes de l'adénohypophyse. L'adénohypophyse, elle, sa sécrétion hormonale va être relâchée dans la veine hypophysaire. Donc, ici, donc à la sortie de ce système capillaire. Alors que la neurohypophyse, vous avez donc ici la schématisation des neurones qui partent dans le fond des noyaux hypothalamiques. Les petits granules ici, ça peut être la vasopressine ou l'oxytocine. Puis, ils rentrent jamais dans le système sanguin, ils vont passer le long des axones pour être stockés ici dans le lobe nerveux de la neurohypophyse. Puis ensuite, relâcher mon envie sur le tympan nerveux. Oui, c'est ça, c'est juste qu'ici, ils sont inversés. Ici, il y a différentes couleurs, c'est pour représenter les cellules qui sont de la gonadotrophe, les cellules qui sont de la lactotrophe. C'est la représentation que ce n'est pas juste un type de cellule qui est présent dans la gonadotrophie, que c'est un mélange de toutes ces cellules-là. Chacune des cellules, donc on les cellules tiroprophes, vont produire la TSH. Donc, les blanches, ça peut être les tiroprophes, les rouges, les gonadotrophes et les fils des lactotrophes. Sur une plus longue période de temps. Donc, tout ce qui est acheminé vers les vaisseau sanguin, la communication au niveau des hormones va se faire plus lentement, alors que lorsque, comme ici dans la neurotrophie, la condition avec l'hypothalamus, parce que c'est un lien direct avec les neurones, mais cette communication-là va se faire très rapidement. Mais tout arrive très rapidement, il y a un relâchement de l'expression. Mais ici, ça peut agir à H, c'est quelque part de l'hypothalamus. Okay. Oui, bien, en fait, c'est parce que elle descend. Elle va passer. Parce que les capillaires ne sont pas directement au-dessus de l'hypothalamus. Fait que la voie de sortie, c'est comme les axones qui font la voie de sortie. Mais après, ça doit rentrer absolument dans le système. L'hormone ne peut pas voyager plus loin. Mm-hmm. Parce qu'elle n'est pas emmagasinée dans les granules comme le système nutrient. Après, cela est comme la. Il y avait où les capillaires commencent, puis si la génération ne change pas dans les capillaires, elle va se dégrader là, elle ne va pas être. Il y a quand même des axones. Il y a quand même des axones, mais la communication se fait pas par les axones. Ça passe par le système vasculaire, puis l'autre, qui va être emmagasiné, c'est très important, jusqu'à la relâchement. Pour ce qui est de la glande pinéale, c'est. On va reparler la semaine prochaine du développement de l'hypothalamus dans le cerveau. Chez les espèces humaines, les pupilles ont un petit nombre d'environ 8 mm, c'est très petit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on fait une tranche sagittale du cerveau, c'est directement dans le milieu. Puis, maintenant, ce que je vais montrer, ça va se développer par la 7e semaine. Ça provient aussi du tissu nerveux, du neurodéme. Ce qui est important avec la glande pinéale, c'est la sécrétion de la mélatonine. Donc, la mélatonine qui est impliquée dans l'horloge biologique. Chez la femme, ça a un impact majeur. Le meilleur exemple, c'est, mettons, chez des hôtesses de l'air qui font tout le temps des voyagements SOS, qui sont beaucoup affectés par les fuseaux horaires. Et ces femmes-là, si on n'a pas une assez grande exposition à la noirceur, donc les heures de sommeil, à la noirceur, bien, il va avoir moins de production de mélatonine. Puis, ce que ça va faire, c'est que ces femmes-là vont tout baisser. Donc, on va avoir un arrêt des rêves, un arrêt des cycles, parce que la mélatonine est directement impliquée dans la régulation du rythme biologique. Donc, le rythme biologique, ça passe aussi par la sécrétion de l'énergie. Donc, une interaction. Ça veut dire que la lumière influence la sécrétion. C'est en absence de lumière que la mélatonine va être d'où l'importance de la période de sommeil à la noirceur. Oui, de dormir à la noirceur. Parce qu'il y a tellement de lumière en bien. C'est vraiment c'est l'entrée du stimulus lumineux dans les yeux qui va baisser la sécrétion pour que ça fasse un shutdown de la mélatonine. Mais ça, c'est quand on faisait cours de sagittaire postural, j'avais mis un cas là-dessus parce que ça a été fait. Chez les hommes? Chez les hommes, ça va pas d'effet. Parce que. En fait, chez les hommes, il y a une implication dans le sommeil, dans les différents phases du sommeil, il y a le sommeil profond, maintenant, qui est le sommeil le plus préparateur. Chez les hommes, il y a un effet sur le temps d'arriver au plateau dans le sommeil profond. Chez la femme aussi. Chez la femme aussi, il y a une petite implication à ce niveau-là, mais chez l'homme, il y a comme juste ça. Parce que chez la femme, la force majeure de la communication mélatonine, c'est vraiment au niveau de l'hormone biologique. Est-ce que c'est ça que s'appelle l'hormone du sommeil? Ils vont prendre des comprimés de tout ça pour. De mélatonine, oui. Ça, pour le décalage horaire, ça marche. Au quart d'heure de nuit puis de jour, c'est parce ça. Qu'on fait des accouchements. Ben, c'est ça. On a des suivis. On est tous en nuit sans dormir. Ça favorise dans le fond, là, ça. aussi avoir un sommeil de parapente. La mélatonine, oui. Si, mettons, justement, après. Dans le décalage horaire, ce que tu as fait, c'est si tu prends ça avant d'arriver dans, ton, dans ta nouvelle heure, ça va faire que si tu dors juste 4 heures, tu vas avoir quand même un sommeil réparateur comme si tu avais 12 heures de sommeil. À cause de la stimulation de ton mélatonine, parce que tu as fait 4 heures, mais tu en as juste un des. On va s'en acheter. Mais en excès, c'est pas bon. C'est comme le manque de mélatonine n'est pas bon, l'excès de mélatonine n'est pas bon. Donc, on repart la glande. Donc, après la glande pinéale, ben, tu peux-tu glisser un mot sur qu'est-ce que ça peut faire si on en a en excès, mettons? Si on en a en excès, ben, ça fait l'effet contraire. Dans le fond, c'est comme si on n'a pas assez. Il y a une régulation qui va se faire au niveau du hypothalamus. Là, il va y avoir une modification du pulse de GnRH, puis il va y avoir des concentrations de LH et de FSH qui vont être produites, qui ne sont pas adéquates. Ils vont être trop faibles pour avoir une maturation comme ça. Mais la même chose, s'il y en a trop, mais là, il va avoir plus de maturation polyclaire parce qu'il va avoir encore un dérèglement de la sécrétion de la LH et de la FSH. Fait que trop de LH, trop de FSH, c'est comme passé. C'est une maturation polyclaire, ça va avec certaines concentrations à certains niveaux de la prise. OK. Quand on a vu le développement de la langue, ben, dans le développement de la langue, il y avait dans le premier acte pharyngé, il y avait deux bourgeons qui faisaient la partie antérieure de la langue. Puis il y avait la troisième, quatrième du poche, où là, l'autre bourgeon venait de loin. Mais à la jonction entre ces deux parties de la langue, en dessous, c'est là qu'il y a le foramen macaron. C'est cette partie qui va s'allonger. D'ailleurs, que chez certaines personnes, quand ils baillent, ils aiment la langue, il y a un petit trou entre la langue et l'eau qui sort. Ok? Ouais, il y en a qui ont deux, il y en a qui en ont un. Ça, c'est un résidu sur la main qui a gagné. Moi, j'en ai un, mais j'en ai deux. C'est En même temps, dans le fond, que la glande thyroïde, on dirait qu'on a laissé Les corps ultimo-branchiaux des plantes parathyroïdes vont former la parathyroïde, la TPH, ou la parathormone, on peut l'appeler comme ça. Alors que les corps ultimo-branchiaux, eux, bon, c'est un peu la même chose que les glandes parathyroïdes. Les corps ultimo-branchiaux, eux autres, vont se trouver directement à l'intérieur de la glande thyroïde, vont être associés aux follicules de la glande thyroïde pour la production des hormones thyroïdes. Les corps ultimo-branchiaux, c'est un peu la même chose. Vous les voyez en rouge ici, de chaque côté, ils sont associés dans leur descente, dans leur formation, aux glandes parathyroïdes, qui vont se retrouver aussi à l'intérieur du tissu thyroïde, puis eux vont produire la calcitonine. Donc, quand on a parlé de la formation du rein, on a parlé de la calcitriole. La calcitriole qui est impliquée dans le fond, la balance en calcium. Bien, la calcitonine a aussi une implication dans la balance en calcium. Donc, on va avoir des effets opposés. La calcitonine, elle va favoriser, l'expression de calcium. Ça favorise l'expression de calcium de la calcitonine, c'est ça. Alors que la calcitriole, elle va favoriser l'absorption du calcium par le corps. Donc, on peut penser, comme dans les cas de l'ostéoporose, ben, la balance entre les deux va être très importante. Parce que l'ostéoporose, c'est que l'organisme va aller chercher le calcium dans les os. Ça va appauvrir les os, ça va les rendre plus fragiles. Donc, si on appauvrit le calcium des os, c'est que, en fait, il va y avoir beaucoup de calcitriol. Alors que si la calcitonine fait sa job et compense pour l'action de la calcitriol, bien, le calcium va rester en concentration adéquate dans les os par rapport à la concentration sanguine. Donc, il y a plusieurs médicaments maintenant qui vont agir sur ces hormones-là. Au lieu de donner juste un supplément de calcium, dans des cas de l'ostéoporose grave, ils vont aller moduler la production de ces hormones-là. Ils vont donner des agents pour miner ces hormones-là pour favoriser l'absorption du calcium. Pour les personnes qui ont des problèmes des endocrinologues, sont capables d'aller voir autour de... Oui, on peut le faire aussi. Est-ce que les parathyroïdes inférieures sont attachées vraiment au thymus au début avant d'aller. Parce que je vois. Ah, non, les voit. Oui, c'est parce qu'ils migrent en même temps que le thymus. Ils sont un peu associés au thymus. Ils sont associés? Oui, puis après ça, ils vont se dégager et ils vont aller se loger dans la thymus. OK. Mais au début, ils ne sont pas vraiment des plantes, c'est juste comme un amas. C'est comme un amas de tissu qui est en train de se développer. Okay. Donc, quand ils vont se loger, dans le fond, leur développement se fait beaucoup en association avec la thyroïde, une fois que la thyroïde sont rendues en mutation avec la thyroïde. C'est que le tissu va se condenser. Oui. Il va s'en aller vers la thyroïde. Puis dans la thyroïde, la différenciation va se faire plus en profondeur par la production. En fait, juste de dire que la thyroïde, c'est une thyroïde. Donc, pour ce qui est du thymus, c'est un peu le même principe. Le thymus va provenir du tissu, pas changer par un lien. Pas tomber. Le thymus, ce qui est pas pour le thymus, c'est qu'il va avoir deux petits canaux qui vont s'évaginer de l'intestin primitif. Ces deux petits canaux-là vont finir par se remplir de tissu par la communication entre le mésoderme autour et l'endoderme. Et ces deux-là vont descendre et vont se joindre en bas, ce qui va faire la forme du thymus, c'est comme deux lobes collés un avec l'autre. Donc, il va sécréter, le facteur thymique, la thymopoïétine, le facteur humoral thymique, tout ça est impliqué dans la maturation des lymphocytes. C'est ce qui va faire qu'au niveau des cellules immunitaires, on va avoir la maturation là, des pré-lymphocytes vers les enfants. Oui. L'essence. Dans le fond majeur du thymus, c'est la maturation. Il y a un petit peu de chaud. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dessus de la GNRH. Donc, la GNRH peut être régulée par la quantité de LH et de FSH. Pourquoi ça ne s'est pas développé chez les femmes? Qu'on soit tout le temps fertile, que ce soit comme les hommes? Ce qu'on voit là, la femme, là, toutes les modifications qui sont subies dans le corps de la femme à cause de la grossesse, que ce soit métabolique, la gestion, l'adaptation, la gestion aussi de la température, le volume sanguin, toutes ces modifications-là, on dit que ça prend un an après une grossesse avant que le corps de la femme retrouve son homéostasie qu'elle est avant. Et ce un an-là, d'abord, c'est important, hein, parce que les modifications sont majeures. En fait, le fait que l'homme s'assoit en continu, là, probablement parce que l'homme disponible pour l'enfant. Son corps n'est pas modifié par, en fond, le produit de la reproduction. Parce que le corps de la femme, tout son métabolisme va être modifié par le fruit de la reproduction, va supporter ce métabolisme. Parce que comme chez des espèces où il n'y a pas de menstruation, comme le sont chez le corps, tu ne vas plus avoir toutes les fois de menstruation. Tout est froid. Puis parce que chez le rat, le stimulus de l'ovulation n'est pas le même. Chez le rat, la copulation est un influx qui va engager le pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Alors que chez la femme, c'est pour ça. On prépare comme des rats, on est 13, 14, là, C'est ça le problème. L'association du cycle, la maturation polyclonale est directement corrélée avec la longueur de la gestation par la suite. Parce que le rôle, c'est 21 jours. Et sur la cuillère, ici, c'est qu'on va plus faire visualiser la façon de l'axe de la hypophyse gonade. Donc, le système nerveux central. C'est que ça soit par l'exposition à la lumière, par le stress. Le stress, là, c'est le pire ennemi du système reproducteur. Tout le monde le sait, on s'en rend compte, là, mais psychologiquement aussi. Puis, en fait, la relation, bon, hypothalamus, les neurotransmetteurs, les axones qui vont se déverser dans la neuroépophyse, la GNRH qui passe principalement dans l'adénohypophyse ici. L'hypophyse, c'est faire le FSH et LH en contrôle des cycles, que ce soit l'ovaire ou de façon continue dans le testicule. Chacun de ces organes-là va produire ses hormones qui, elles, ont une capacité de rétro-contrôle à tous les niveaux. Donc, l'estrogène et les androgènes vont être capables de faire un rétro-contrôle, que ce soit directement au niveau de l'hypophyse, au niveau de l'hypothalamus dans la gestion de la de GNRH et vont avoir aussi un effet au niveau du cerveau. Donc, le cerveau va influencer la hypothalamus puis la boucle recommence. Et c'est important de savoir que les facteurs, c'est pas seulement une bonne maturation polyclonale qui va après ça s'accumuler. C'est tout le temps les boucles de rétroaction qui vont se faire la femme, on le voit par les cycles. Mais chez les hommes aussi, le fait que la spermatogenèse se fasse en continu, c'est parce qu'il y a des inhibines qui sont produites dans le testicule, puis ces inhibines-là vont aller moduler les pulses GNRH et la sécrétion de la LH, la FSH, pour que ça se fasse en continu. Chez la femme, c'est plus marqué parce qu'on a une modulation de l'amplitude des sécrétions FSH et LH. Les hormones, c'est important de savoir qu'il y a deux types d'hormones. Il y a des hormones qui sont liposolubles, donc qui vont être lipides, qui vont facilement passer une barrière lipidique. Donc, comme toutes les membranes cellulaires sont faites de lipidique. Donc, les hormones liposolubles, ben, l'exemple majeur, c'est les stéroïdes. Donc, les hormones stéroïdiennes, estrogènes, progestérone, estriol, donc le cortisol. Les hormones thyroïdiennes sont aussi liposolubles, donc vont passer facilement à travers les cellules, la paroi cellulaire. Donc la T3, la T4 sont synthétisées par la thyroïde. Puis il y a un gaz aussi, l'oxyde nitrique, qu'on entend parler à cause du Viagra, qui est une hormone qui va faciliter, dans le fond, la dilatation des vaisseaux sanguins, donc ils vont affecter les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins, qui vont favoriser une dilatation des vaisseaux sanguins, donc un engorgement sanguin qui va favoriser l'érection par la suite. Quant à l'acidité, on sait que maintenant qu'il y a une molécule comme le Viagra, il est capable de moduler le relâchement de la thymine, donc la thymine en continu pour favoriser. C'est des hormones qui sont liposolubles. On a l'autre type d'hormones, c'est des hormones qui sont solubles dans l'eau, donc dans une solution aqueuse, que ce soit un liquide physiologique, que ce soit dans l'eau, dans le sébum. Ces molécules-là, on a les amines. Les amines, c'est en fait une acide aminé qui est modifié. Ensuite, on a les peptides et les protéines. Les peptides et les protéines, c'est une séquence d'acides aminés plus ou moins longue. Une protéine, c'est une grosse séquence d'acides aminés, puis un peptide, bien, c'est entre 8 et 16 acides aminés, on va faire. La molécule, en fond, un petit peptide, c'est l'oxytocine. Le peptide, c'est un petit peptide qui voyage facilement dans le système sanguin parce qu'il est liposoluble, puis il va circuler aussi de façon libre. L'oxytocine n'est pas lié à aucune protéine de transport. L'oxytocine va passer partout. Il va agir rapidement, même s'il passe par le système sanguin. L'autre type, c'est tout ce qui est la base des prostaglandines et les cotriènes. Donc, quand on parlait des prostaglandines, GE2 et GE2-alpha, sont bien impliqués dans l'ovulation, sont impliqués aussi dans la dilatation du col, les contractions utérines à l'accouchement. C'est des glucosanoïdes, donc la base. Je vous ai mis à côté un peu les sites de sécrétion de ces différentes hormones-là. Je ne vous demandez pas d'apprendre par cœur toutes ces choses-là. Mais c'est de savoir qu'il y a des hormones liposolubles et il y a des hormones qui sont solubles dans un milieu aqueux, donc solubles dans l'eau. Les différentes. C'est des solubles dans l'eau, mais c'est des amines, des acides, des protéines, des puis les liposolubles, ben, on parle toujours d'hormones thyroïdiennes, et il y a des bases comme le progestérone. Vous dites que les liposolubles, elles passent facilement dans les barrières lipides des membranes, oui. Et que les solubles dans l'eau, là, vous disiez qu'elles ont une action rapide parce qu'elles sont solubles dans l'eau. Ils sont solubles dans l'eau, mais ils ne sont pas liés à des protéines de transport. Les protéines liposolubles, ils ne sont pas solubles par elles-mêmes, libres dans la circulation sanguine, on n'en trouve pas beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas très solubles dans le plasma sanguin. Fait, pour pouvoir voyager dans le corps, les protéines liposolubles doivent être liées à des protéines de transport. Puis le fait qu'ils soient liés à des protéines de transport, bien, ça les rend inactifs. Pour être actifs, il faut qu'ils séparent la protéine de transport, puis après ça, qu'ils aillent agir, ils partent dans la membrane de la cellule. Par contre, la cellule. Quand seront pas n'importe où, ils vont rentrer dans les cellules où ils ont. Ils vont cibler un accès. Ils sont solides dans l'eau, du coup, ils passent facilement les membranes. Ils passent pas, c'est le mot. Non, moi, je ne sais pas ce que je comprends. Les membranes, la paroi d'une cellule est formée d'une double couche lipidique. Comme ça, ça ressemble à des petits spermatozoïdes. Puis, pour passer à travers la paroi lipidique, il faut être lipidique. Il faut être capable de s'associer aux lipides pour passer à l'intérieur. Donc, les hormones liposolubles, donc les stéroïdes, vont passer facilement à travers, vont se retrouver dans la cellule cible. Les molécules solubles dans l'eau, comme les protéines, les peptides, eux autres, ils arrivent ici. Là, il y a des pieds, puis les protéines ne sont pas capables de rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Pour rentrer, ils doivent se lier à un récepteur. Donc, la molécule arrive, l'hormone se lie au récepteur, puis l'hormone, parfois, avec le récepteur, elle va rentrer à l'intérieur, mais la majorité du temps, le récepteur va engendrer une autre protéine qui, elle, va faire l'action sur la cellule. C'est dédié à tout, je t'avais mis par la cellule. J'ai mis. Mais ça ici, c'est les ongles. Ça, c'est plus pour savoir que le système endocrinien, contrairement au système nerveux, que l'action est souvent proche, le système endocrinien, souvent, l'hormone est produit dans un organe, puis ça cible dans un autre organe très loin par rapport à son organe d'origine. Les cellules, les hormones endocrines vont passer dans le système sanguin, vont sortir dans la cellule cible lointaine. Puis là, s'il est agi par le récepteur membranaire, comme dans les hormones qui sont solubles dans l'eau, parce qu'il y a son récepteur, le récepteur est pénétré sur les cellules qui sont ciblées. Mais par exemple, c'est les cellules, dans le fond, l'utérus. À mesure que la gestation avance, l'utérus va, les cellules vont accumuler des récepteurs à l'oxytocine. Ce qui va faire que le muscle va contracter, c'est pas juste qu'il y ait plein d'oxytocine qui arrive au niveau du myomètre. Il faut que le myomètre ait produit des récepteurs à l'oxytocine. Ça, c'est une maturation du myomètre qui se fait dans la troisième trimestre de la gestation. Et si l'oxytocine va en avoir partout dans le corps de la femme, mais dans sa main, ça va. Parce qu'il n'y a pas de récepteur. Dans son utérus, parce que l'utérus, les cellules ont produit des récepteurs à l'oxytocine avec la maturation de la grossesse, hein, toutes les préalables à ça. Parce que dans l'utérus, il y a plein de récepteurs à l'oxytocine. L'oxytocine qui va circuler dans le corps, quand on va arriver à l'utérus, elle va se fier à son récepteur, puis on va avoir l'action qui va arriver. C'est toujours comme ça. Les hormones qui sont solubles dans l'eau, comme l'oxytocine qui est dans le peptide, vont toujours passer par des récepteurs membranaires. Puis c'est ce qui va faire que peu importe s'il y en a partout dans le corps, c'est vraiment juste à l'endroit où il y a le récepteur qu'on va avoir l'action. Parfois, la cellule, on a des. Ça arrive dans quelques cas, 90% des cas, c'est ça. Il faut que l'hormone passe par la circulation sanguine et se rende dans sa cible. Dans quelques cas, une cellule va produire une hormone. Puis on dit que c'est paracrine parce que c'est la cellule qui est juste à côté qui a les récepteurs qui va avoir l'électrique. Donc ça, c'est une communication paracrine. Quand c'est autocrine, mais dans les cellules immunitaires, on voit souvent ça, c'est la cellule produit une hormone, puis l'hormone va se lier direct sur la même cellule qui a les récepteurs. Dans la maturation des cellules immunitaires, il y a ça. C'est une auto-stimulation à maturité. Donc, elle change de profil de cellule. Dépendant de la section du tubule, on a des cellules qui ont des profils différents. Je n'ai pas la tête, les cellules dans du bon récepteur, ça va le modifier. Ça, c'est pour les mains. Puis ici, je vous ai dit, vous n'avez pas tout apprendre. C'est plus pour vous faire visualiser. Les hormones sont liposolubles. Je vous ai dit, un autre exemple, c'est les hormones thyroïdiennes, comme la T4. Eux autres, dans le sang, là, on va prendre à peu près 0,5% d'hormones thyroïdiennes qui sont libres dans le sang. La majorité va être liée à des protéines de transport. Donc, la protéine de transport permet à l'hormone liposoluble de rester en solution dans un lieu accru. Donc, c'est comme si c'était un transporteur. Une protéine de transport va le transporter dans le système sanguin jusqu'à ce que l'hormone soit nécessaire dans une cellule cible. Donc, à ce moment-là, l'hormone va se libérer de sa protéine de transport, va diffuser à travers les capillaires, puis va rentrer facilement dans la cellule. Parce qu'on a dit qu'elle était liposoluble, elle passe facilement à la barrière lipidique. Elle rentre dans la cellule, puis dans la cellule, ça s'accouche un récepteur. Les hormones, il faut toujours que ça passe par un récepteur. La seule différence entre les liposolubles et celles qui sont solubles dans l'eau, c'est que les liposolubles, le récepteur actuellement il est à l'intérieur de la cellule, alors que les hormones qui sont solubles dans l'eau, le récepteur doit absolument être à la surface de la cellule. Parce que l'hormone qui est soluble dans l'eau n'est pas capable de passer la barrière des lipides ici. Donc, c'est sûr qu'après, bien, c'est toute une cascade. Là, qu'est-ce qui fait que ça modifie la cellule là, par la suite? Mais quand l'hormone rentre à l'intérieur, bien, il y a son récepteur, elle va se lier à l'ADN, elle va engendrer la production d'une protéine ou de deux protéines pour modifier la cellule. Puis ici, dans le cas des hormones, qu'est-ce qu'il y a son récepteur? Que le récepteur est membranaire, bien, coupe le récepteur, on dit qu'il y a une protéine G. La protéine G va utiliser cette liaison-là pour convertir la TP en antécyclite. Puis on appelle ça, c'est la cascade des secondes messagers. Ici, souvent, c'est une protéine directe qui est produite. Ici, c'est une protéine qui est produite, qui est modifiée. Cette modification-là modifie une autre protéine, donc une phosphorylation. Tout ça rend plein de protéines actives. Alors qu'avant qu'il y ait la liaison ici, mais cette gamme de protéines-là était partie parce qu'elle n'était pas phosphorylée. C'est indirect ici, direct ici, directement sur la viande. Ça va toujours les différences entre les deux modes. En gros, c'est ça. Moi, je vais terminer ici. Je vais encore faire des temps. J'ai mis deux tableaux avec les différentes hormones. Donc, la prolactine, l'HPL, qui est produite dans le placenta. Donc, les différents effets des changements métaboliques chez la femme. Ici, vous avez, donc, c'est la calcitonine, donc c'est la calcitonine dans la cellule. Le féminité, la balance en calcium et en phosphate. Regardez tout par vous-même. Vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions. J'ai vu un petit tableau, là, les taux élevés d'estrogène dans la grossesse de différents problèmes. C'est bon, les estrogènes, mais trop, et des fois, notre corps, c'est la C'est ça, je t'en fais du mal. 48. Non, c'est ça. Je vais te dire ça dans un pas long. Dans le... c'est ça. 38-06. Ouais, moi, je l'aurais pris la semaine prochaine. Hein. Ah, ok. Plus tard. J'en aurais beaucoup pensé. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est